La première fois que je suis parti au bout du monde, bah, c'est pas compliqué. Je m'en souviens très bien. Ma première envie de partir au bout du monde, c'est plus complexe. Aussi loin que remonte ma mémoire, il a toujours été question dans ma famille de partir à l'autre bout du monde. Mon grand-père, en 1922, s'est retrouvé fonctionnaire de police en AOF. Il venait d'un milieu très populaire, d'une famille du Morvan. Pendant la guerre de 14, son père est mort. Du coup, il est monté à Paris, il est devenu pompier, et puis simple flic. Il lui a été proposé de partir en Afrique. Il est resté là-bas 45 ans. Mon père est né là-bas. À l'issue de la décolonisation, mon père est resté en Afrique avec ma mère. Ils ont eu là-bas plusieurs enfants et ensuite il est parti au Vietnam alors que c'était déjà plus l'Indochine pour faire de la coopération. Et je suis arrivé bien longtemps après dans cette famille alors que tout le monde était déjà parti. Chez mes grands-parents, sur les murs, il y avait des photos d'Afrique, il y avait des masques, des crânes d'animaux, des reliques. Et j'ai toujours adoré ça. Ensuite, je crois que à un moment donné, quand j'étais au lycée, en première, on avait une prof d'histoire géo qui nous a passé des photos d'un de ses voyages en Chine. Alors c'était il y a longtemps, hein. Les photos qu'elle nous montrait, ça parlait de Mao Tse-Tung, tout ça quoi. Et je me rappelle très bien être assis au fond de la salle de classe, à côté d'un copain à moi qui s'appelait Jérôme. On était affalés sur nos tables, les bras croisés, la tête posée sur nos bras, à regarder vaguement les diapositives du voyage de notre prof. Et Jérôme s'est tourné vers moi et m'a dit, on n'ira pas là-bas, non? Plus tard. Et moi j'ai répondu sans réfléchir, bah si, quand tu veux, mon gars, je pars. Ok, première. La terminale se passe. On n'en reparle pas de cette idée de voyage. Puis moi je rentre à l'université, mon pote aussi. Et mon pote, il était plus jeune que moi. Ce qui fait qu'à un moment donné, pendant la première année de fac, il avait encore 17 ans. Lui. J'habitais déjà dans une petite chambre de bonne à la semaine, à Paris. Je faisais de l'histoire de l'art. Et il m'a retéléphoné en me disant, mais qu'est-ce que tu fous? Moi, j'ai 17 ans, dans 2 mois et demi, j'ai mon anniversaire de 18 ans. J'ai déjà pris mon billet d'avion. Je suis en train de faire ma demande de passeport. Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous? Mais qu'est-ce que tu fous? Tu te rappelles, bien évidemment, du cours d'histoire géo. Tu te rappelles de la promesse qu'on s'était faite. Moi, je suis parti. Avec ou sans toi, j'y vais. Je me suis retrouvé un peu comme un con. J'ai vendu la guitare électrique que j'arrivais pas à faire fonctionner comme Jimi Hendrix. J'ai vendu des affaires que j'avais. J'ai mis un peu d'argent de côté. Et puis, le jour de ses 18 ans, il est allé chercher son passeport. Il avait déjà prévu son visa. Et le surlendemain de son anniversaire, on était dans l'avion. Voilà comment j'ai sauté le pas. Est-ce que j'ai eu peur? Non. Non, non, on n'a pas peur quand on a 18 ans. Ça, c'est sûr. Et alors nous sommes partis avec un aller-retour, un aller pour Pékin et un retour de Hong Kong. C'était en 1992. À l'époque, les Chinois venaient d'obtenir la possibilité d'avoir une propriété individuelle depuis seulement un an. Ce qui fait que quand on s'est pointé là-bas, il y avait encore beaucoup de magasins d'État. Et il y avait quelques Chinois qui, sur le bord des routes, commençaient à vendre des tongs en plastique pour leur propre compte. C'était une période de la Chine où les gens semblaient vraiment contents de pouvoir bénéficier de libertés nouvelles. Et on en a bien profité, c'est-à-dire que on a eu beaucoup de sourires, beaucoup de... On a été super bien accueillis. Les Chinois sont, j'ai trouvé, un peuple curieux et accueillant, mine de rien. Je me souviens aussi que quand je suis allé prendre l'avion, c'était à l'aéroport Charles de Gaulle à Roissy. C'est mon père qui m'avait accompagné en voiture. Et il s'est arrangé pour qu'on arrive en retard. On s'était planté, il avait pris la 86 à l'envers, direction Marne-la-Vallée, alors que c'était l'autre direction qu'il fallait prendre. Il était dégoûté. Il était dégoûté de me. On a eu peur jusqu'au dernier moment que je puisse pas monter dans l'avion. Et mon père était confus Il était triste de m'avoir. Il avait l'impression de m'avoir empêché de partir en voyage, quoi. Oh, le pauvre. Et puis il m'a dit dans la voiture en partant, tu sais, Benoît, si c'est un acte manqué ce que je fais là. Si on arrive en retard et que tu loupes ton avion, c'est parce que tu grandis et que t'es mon dernier enfant. Et là, tu pars en voyage en Chine avec un copain à toi que je connais même pas. Ne m'en veux pas. Mais finalement, j'ai réussi à monter dans l'avion. Mon pote était là, il était tout pâle, blafard. Parce que vraiment, je suis monté dans l'avion au dernier moment. Bon, bah voilà, hein, j'avais foutu mon sac dans la soute, mon bagage à main sur le truc. Et c'était moi la première fois que je prenais l'avion. Et mon pote aussi. On avait un Lonely Planet. Un manuel en anglais. Et on n'avait pas réservé l'hôtel pour le soir à l'arrivée. On s'est rendu compte dans l'avion que c'était obligatoire. Donc on a menti. On a dit qu'on avait réservé à tel endroit. C'était pas vrai. Et puis finalement, quand on est arrivé en Chine, bon bah évidemment, alors là le choc, ça sentait pas pareil que chez moi. Déjà. On est monté dans le taxi, on lui a donné l'adresse du... Ouais, c'était un taxi, ouais. On lui a donné l'adresse de l'hôtel pour lequel on avait menti. Et puis il se trouve qu'il y avait une chambre. Il y avait de la place. On était dans les faubourgs de Pékin. Ouais, c'était un hôtel pas cher. Et je me souviens qu'à côté de l'hôtel, il y avait un espèce de canal. Un canal pas rempli d'eau, mais... Une espèce de... troué avec au milieu un petit filet d'eau marron. Il y avait des montagnes de poubelles. Ça sentait la pastèque pourrie. On a décidé de partir se promener le premier jour. Même ma sueur ne sentait pas pareil. C'est ça qui m'a le plus impressionné, je crois, l'odeur de ma propre sueur, qui n'était pas celle que je connaissais. Notre première promenade dans Pékin a été olfactive. Et j'en garde un excellent souvenir. On est allé manger au restaurant et on a voulu commander la spécialité de Pékin. 18 balais on avait. Donc c'était du canard laqué. On arrive au restaurant, on voit, ah, oh, le canard laqué, c'est vachement plus cher. Bon, bah c'est pas grave, on en prend deux. Alors évidemment, on parlait pas chinois, au restaurant, ils parlaient pas anglais. Il fallait qu'on montre avec nos doigts, qu'on dise bien qu'on en voulait deux. On a vu la mine circonspecte du serveur du restaurant, qui semblait perplexe de nous voir commander deux canards laqués. Alors on s'est dit, bah écoute, tant pis, hein, c'est pas grave. On se paye deux canards laqués, c'est pas la mort. Et puis en fait, le mec, il est arrivé, il avait deux canards entiers, laquée. On a mangé un canard, chacun. Ah là là. Un élément aussi qui me reste en mémoire de ce premier voyage en avion que j'ai fait, on avait pris des billets avec la compagnie russe Aeroflot. Donc je vous rappelle, c'était en 1992. On avait évidemment un transit de 24 heures à l'aéroport de Moscou. Et en 1992, à Moscou, il n'y avait pas vraiment beaucoup de bouffe pour tout le monde. Donc 24 heures de transit, on a eu un ticket qui nous a permis d'aller faire la queue, une sorte de self, où il y avait tous les voyageurs qui passaient, quoi. Les premiers avaient des œufs et des patates, puis au bout d'un moment, il n'y avait plus d'œufs. Donc les suivants n'ont eu que des patates. Et mon pote et moi, on était à l'arrière de la queue, et on voyait le coup venir qu'on n'aurait même pas de patates. Alors voilà quoi, 18 balais, des petits Français, un peu cons. On a commencé à gueuler, quoi. À dire, ouais, on veut manger, un truc comme ça, quoi. Sauf que ça rigolait pas du tout avec la famine en Russie, en 1992. C'était Boris Eltsine, le président de la République, et les gardes rouges qui étaient censés assurer la sécurité des voyageurs. En fait, ils avaient faim. Et donc, je me suis retrouvé à devoir gueuler, un peu comme un petit bourgeois français, avec un garde rouge qui me regardait, les mâchoires crispées, qui me parlait en russe, et qui m'a foutu le canon de sa Kalachnikov sur le ventre, qui s'est approché de mon visage, et qui m'a dit un truc en russe en me regardant dans les yeux, alors que sa bouche était à 20 cm de la mienne. Je me rappelle très bien, très très bien. J'ai tout de suite arrêté de faire mon malin. Et évidemment, je me suis fait une raison pour l'absence de patates que j'avais, en me disant, de toute façon, dans 10 heures, je serai dans l'avion, j'aurai mon plateau repas. Alors que le garde rouge, non. Ça aussi, ça a été un truc important dans mon premier voyage. Ensuite, on a voyagé, on est parti. On avait prévu un tracé sur la carte du Lonely Planet qu'on avait stabiloté en bleu. Et puis, dans notre premier hôtel, on a rencontré un vieil aventurier, un vieux baroudeur, un anglais avec une barbe et un chapeau, qui nous a expliqué que dans notre situation, il n'était pas question qu'on se fasse le même voyage que les touristes, parce qu'on était jeunes et qu'on pouvait très bien prétendre à obtenir des faux papiers qui nous permettaient d'avoir le statut d'étudiant. Pour ça, il fallait qu'on aille dans une ville qui s'appelle Xi'an, dans laquelle il y avait l'armée de statues enterrées. Donc c'est une ville touristique avec des restaurants, et il y a une rue dans laquelle il y a des restaurants qui vendent des faux papiers. Donc c'est une teacher card quand on a plus de 30 ans et une student card quand on a moins de 30 ans. Il nous a expliqué, ce voyageur, que avec la carte d'étudiant, on allait pouvoir utiliser la monnaie locale. Parce qu'il y avait deux monnaies. On aurait dû être censé n'utiliser que la monnaie pour les étrangers, les FEC, Foreign Exchange Currency, et que grâce à notre carte d'étudiant, on allait pouvoir récupérer de la monnaie et payer en renminbi, les yuan chinois. Et que ce tour de passe-passe allait nous permettre d'économiser beaucoup d'argent. Et ça allait nous permettre aussi d'aller dans les hôtels qui étaient interdits aux touristes, de prendre les trains qui étaient interdits aux touristes avec la classe populaire. Il nous a pas fallu longtemps pour être conquis. On a changé nos plans de voyage. Le premier jour, on a décidé qu'on allait tout balancer notre stabilotage et qu'on allait faire un voyage différent. Et c'est ce qui s'est passé. C'était super le voyage, on s'est bien marré, on a visité plein d'endroits. C'était déjà un pays en construction. Et puis à la fin du voyage, un mois et demi après, on avait prévu un mois et demi, ou 2 mois je crois. On s'est retrouvé à Hong Kong et il nous restait énormément d'argent parce qu'on avait dépensé le quart de ce qu'on avait prévu de dépenser avec cette histoire de carte d'étudiant. Et on s'est retrouvé à Hong Kong. Moi, je crois qu'il me restait 2500 francs pour une semaine. Et là, pop et hop, quoi. On s'est bien marré. Je me rappelle aussi qu'on avait loué une petite. Bah, c'était pas une chambre, hein, parce qu'à Hong Kong, on était dans un quartier, Kowloon, dans un immeuble qui s'appelait Chung King Mansion. Et dans cet immeuble, c'était un énorme building avec dedans des appartements mélangés avec des boutiques, mélangés avec des hôtels, mélangés avec des salons de coiffure. Et on pouvait se retrouver au 17e étage dans la salle d'attente d'un avocat et ou alors à côté d'un appartement ou alors en train d'acheter des fleurs, tout dans le même immeuble. Et nous, on avait une petite chambre dans cet immeuble-là. Enfin, c'était une partie d'une chambre parce qu'il y avait 8 personnes par dortoir sur des lits en métal. Et on a rencontré quelqu'un qui nous a proposé de rester là, qui nous a dit, vous devriez aller postuler, moi je quitte mon boulot, je suis parti de France il y a déjà 8 ans, je reviendrai jamais. Il y a de la place dans tel restaurant. Pour deux gars comme vous, il y en a un qui fait la plonge, il y en a un qui fait le service, vous changez à tour de rôle. Et là, on s'est posé la question, quoi. On s'est posé la question. Est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on fait comme cet homme-là? Ou est-ce qu'on rentre tranquillement chez nous? Et mon pote, il aurait bien voulu rester, sauf que moi, j'étais pas chaud. Mais oui, je le reconnais, aujourd'hui j'étais pas chaud. Je pense que j'ai dû un peu avoir peur de l'aventure à ce point-là. On est rentré. J'ai repris mes études d'histoire de l'art. Et mon pote, lui, il a arrêté les études qu'il faisait. Je crois que c'était l'économie. Il a arrêté ses études d'éco et il s'est inscrit aux langues orientales. 4 ans après, il est reparti en Chine et il y est encore aujourd'hui, 30 ans après. Il s'est marié avec un Chinois, il habite à Hong Kong. Il a monté une entreprise d'organisation de voyages. Et du coup, il s'occupe d'organiser les voyages des autres. La deuxième fois que je suis allé en Chine, j'y suis allé avec mon enfant et ma compagne. C'était un voyage un peu plus rapide. J'ai même pas pris le temps d'aller le voir. Mais on est quand même toujours en contact sur Facebook. Et je ne désespère pas de retourner avec lui dans le Chung King Mansion pour essayer de voir si je pourrais pas finalement décider de rester là-bas. Après, j'en ai fait d'autres des voyages. Je suis parti en Inde, je suis parti au Vietnam, je suis parti au Honduras, je suis parti en Gambie, en Mauritanie, à New York, parfois pour plusieurs mois. Mais le voyage qui a le plus compté dans ma vie, évidemment, c'est celui qui a commencé en achetant des faux papiers et qui s'est terminé quand j'ai baissé les yeux et que j'ai dit que je voulais rentrer chez moi.